Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Alors bonjour à tous, c'est Mickaël, la Puissance Maximale. Là, je suis en train de manger présentement, je suis en pause à J'Animé 2012. Où, là, vous savez, il y a des entrevues qui ont déjà été faites, entre autres avec l'invité d'honneur. Mais là, je suis avec des festivaliers. Je les ai entendus manger, pendant qu'on mangeait, ils parlaient de jeux. Puis c'est des gens qui sont plus jeunes que moi, mais c'est quand même des gens qui parlent rétro, qui parlent finalement, qui préfèrent certains jeux dans leur version originale. Bon, premièrement, salut tout le monde. Bonjour. OK. Je vais faire le tour un peu de table, juste pour, en fait, pour revenir un peu. Vous parliez, là, j'ai entendu votre conversation parlant de Zelda. Là, vous parliez de Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Là, vous parliez du remake 3DS, puis j'ai entendu que vous préfériez la version rétro. C'est quand même... un peu surprenant. La plupart des gens, en tout cas, surtout de votre âge, vont être, parce qu'il faut vous êtes début vingtaine, préfèrent habituellement les nouvelles versions ou ils vont être plus dans le nouveau. Là, on peut s'en passer au Xbox, PlayStation 3 et les nouvelles consoles de Nintendo. Mais là, vous me parlez rétro. Est-ce que c'est votre sentiment en général par rapport au jeu? Est-ce que vous êtes plus rétro ou vous êtes quand même dans le jeu récent où c'est partagé finalement? Est-ce que vous avez un attachement spécial seulement à un jeu, par exemple? Moi, je dirais plutôt que c'est plutôt partagé, parce que oui, comme le Zelda Ocarina of Time a été refait sur la 3DS, mais c'est le fait que moi, la première fois que j'y ai joué, c'était au 64, j'ai beaucoup aimé. C'est l'un des Zelda que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est le premier Zelda qui a été fait au niveau 3 dimensions, mais pour moi, c'est comme le jeu à jouer au 64, parce qu'il a été refait au niveau original, c'est l'original. Oui, le remake, c'est quand même pas pire au niveau graphique, tout est refait. Mais pareil, pour moi, c'est un sentiment de... Non, pour moi, c'est au 64 qui a été fait. Je joue au 64. Dans cette lignée de pensée-là, du côté rétro, est-ce que vous êtes prêt à débourser plus d'argent pour avoir des versions originales, comme avoir votre cartouche Super Nintendo ou 64? Là? Est-ce que vous êtes prêt à débourser plus d'argent, à aller magasiner pour essayer de trouver les meilleurs prix pour avoir la chose entre les mêmes matériels ou, à la limite, un émulateur, ça peut faire votre affaire? Moi, oui, parce que... Moi, c'est surtout la nostalgie. On a grandi avec ces jeux... Zelda, Mario sur 64, GoldenEye, je préfère beaucoup mieux débourser pour une vieille console qui va être poussiéreuse. J'ai encore mon vieux 64 chez nous, j'ai encore mon vieux Zelda chez nous, j'y rejoue une fois de temps en temps. Même sur émulateur, j'ai un émulateur chez nous et je joue à certains jeux, genre des Final Fantasy 4 qui étaient sur Super Nintendo avant, les derniers Final Fantasy, ils ne m'intéressent pas, je préfère le vieux parce que c'était pas toute une vague graphique. C'était surtout l'histoire. Dans le temps, on faisait de très belles histoires. C'est ça qui nous accrochait au jeu. Fait que oui, moi, je préfère mieux payer un peu plus cher pour avoir un beau contenu. Les graphiques, peut-être qu'ils sont pas excellents, mais on a toujours nos vieux sentiments, des bons sentiments de rétro, pas rétro, de nostalgie. Finalement, c'est ça. Vous préférez avoir la manette originale entre les mains. Vous êtes en train de me dire c'est toujours plus pratique, vous allez me dire, surtout pour le gameplay. Surtout quand on parle de la console Nintendo 64, qui avait quand même une manette assez particulière. C'est assez difficile de pouvoir y jouer sur un émulateur, même qu'il y a des émulateurs qui se font sur téléphone Android, entre autres. Là, ça devient parfois juste impossible. Mais vous, est-ce que vous trouvez présentement que dans l'industrie du jeu, en tant que consommateur, votre vision de consommateur, est-ce que vous trouvez présentement que... les jeux perdent en qualité. C'est sûr qu'on aura toujours des bons jeux, mais est-ce que vous trouvez qu'en général, on nous présente des produits bâclés ou c'est seulement une nouvelle vague dans les histoires finalement qui sont différentes de ce qu'il pouvait être à faire à l'époque? Moi, je vais prendre un exemple. Par exemple, on va prendre un exemple sur Halo, sur 360 puis le Xbox premier. Halo, c'était un très bon jeu. Le seul problème... Qu'on fait Halo 2, Halo Reach et tout ça, il y avait moins de missions. Maximum 10 missions. L'histoire était trop courte. Je trouvais ça dommage. Oui, le mode multijoueur était extrêmement très bon. Beaucoup de nouveaux guns, beaucoup de nouveaux. Mais malheureusement, moi, ce que je préférais plus des jeux, c'est l'histoire. Connaître l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un très grand fan de certains jeux, comme beaucoup de jeux de Blizzard Entertainment. StarCraft, Diablo 2, 3, qui va aussi le 3ème, j'espère qu'il va bientôt sortir. Moi, ce que je risque de plus jouer, c'est pour l'histoire, de connaître l'histoire, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que je vais m'amuser au niveau online pour m'amuser avec d'autres joueurs, compétition, c'est sûr. Mais moi, ce que je recherche, c'est vraiment l'histoire, quelque chose de concret. Mais aussi, on peut observer la grosse différence entre les jeux japonais et américains. Parce qu'avant, comme quand nous, on était jeunes, c'était surtout des jeux américains, des jeux japonais, je veux dire. Puis aujourd'hui, tu vas voir la différence. Les jeux japonais sont beaucoup plus peaufinés. Comme c'est l'histoire, puis chaque personnage est important. Alors que du côté américain, tu vas voir cette presse-là à sortir le jeu tout de suite. Ils ont une date limite. Alors, des fois, ils peuvent lâcher certains détails ou faire un jeu que tu le sens que c'est vraiment juste pour continuer la série, pour faire plus d'argent. Puis c'est triste, dans le fond, parce que tu veux continuer la série, mais tu réalises que c'est pas aussi peaufiné que ça devrait être. Que c'est vraiment juste comme... Tu le sens que c'est pour faire de l'argent. On avait, ben vous pouvez entendre présentement, mesdames et messieurs, qu'on avait parlé à l'émission il y a quand même quelques semaines. On avait fait un coup de gueule contre finalement l'industrie du jeu. Puis on peut voir auprès de ces consommateurs-là que ça rejoint un peu. On a des jeux souvent qui nous présentent des côtés multiplayer, des côtés online très présents, mais qu'on délaisse des fois le côté single player, le côté finalement la profondeur de l'histoire, le contenu des jeux. Puis je pense qu'on peut voir ici qu'on a des consommateurs qui ont un peu de la même idée que... les chroniqueurs de l'émission par rapport à ça. Donc, je voudrais remercier tout le monde pour cette intervention. Vous avez parlé avec, évidemment, Mickaël Michaud, animateur de Puissance Maximale, et avec aussi nos amis ici à Génimé, qui se nomment? Hugo Cardona. Denis Harvey. Marie-Hélène Racine-Lacroix. On les remercie et on continue avec Puissance Maximale.